Chant numéro 14. Du centre au cercle, ou bien du cercle vers le centre, on voit l'eau se mouvoir dans un vase arrondi, suivant qu'on l'a touché sur le bord ou dedans. Dans mon esprit naquit tout à coup cette idée que je viens d'exprimer dès le premier moment où l'esprit glorieux de Thomas s'était tu. Car je pensais trouver certaines analogies dans ses propos, suivies de ceux de Béatrice, qui me fit la faveur de parler après lui. Il lui faut maintenant, quoi qu'il n'en dise rien de vive voix, ni même en sa propre pensée, atteindre à la racine une autre vérité. Dites-lui si l'éclat dont s'embellit ainsi votre substance propre est éternellement pour vous un compagnon tel qu'il est à présent. Et s'il doit vous rester, expliquez-lui comment, lorsque l'on vous rendra votre écorce visible, il n'aura pas le don d'offusquer votre vue. Comme, pressé parfois par le vif aiguillon d'un plaisir grandissant, ceux qui dansent en ronde haussent d'un ton leur voix où paraît leur liesse. De même, à la demande empressée et pieuse, une nouvelle joie envahit les saints cercles, traduite par leur danse et par leurs doux accords. Celui-là qui se plaint parce qu'on meurt sur terre pour vivre au ciel, le fait pour avoir ignoré le rafraîchissement de la pluie éternelle. C'est un et deux et trois qui pour toujours existe et qui règne à jamais en trois et deux et un et contient l'univers sans être contenu, était trois fois chanté par chacune des âmes et leurs belles chansons suffiraient pour payer à leur plus juste prix les plus brillants mérites. Ensuite, j'entendis dans l'éclat le plus saint du cercle antérieur une voix aussi douce que celle de l'archange, interpellant Marie, répondre. Aussi longtemps que durera la fête du paradis, l'amour que nous portons en nous brillera de la sorte au sein de cette robe. L'éclat de sa splendeur se mesure à l'ardeur, et l'ardeur à la vue, et celle-ci dépend à son tour de la grâce en partie à chacun. Le jour où de la chair glorieuse et sans tache nous serons revêtus, nos personnes seront plus belles qu'aujourd'hui pour être enfin entières. Ce qui doit augmenter la lumière d'amour que le plus grand des biens nous donna par sa grâce. Et c'est par sa vertu qu'on le peut contempler. Alors, par conséquent, s'augmentera la vue et croîtra cette ardeur qui s'allume à son feu, ainsi que le rayon qui prend naissance d'elle. Mais, pareil au charbon qui produit une flamme, mais dont le blanc éclat dépasse sa clarté, faisant qu'on le distingue aisément à travers, de même, le brillant qui nous revêt ici se verra dépassé par l'aspect de la chair qui demeure à présent recouverte de terre. Sa splendeur ne pourra fatiguer nos regards, les organes des sens devenant assez forts pour porter ce qui doit servir à notre joie. Et l'un et l'autre cœur me semblèrent alors si prompts et si contents d'ajouter leur « Amen » qu'on sentait le désir de leur corps trépassé. Non seulement peut-être pour eux, mais pour leur mère, pour leur père, pour ceux qui leur furent si chers avant de devenir des flambeaux éternels. Voici que tout à coup, égal quant à l'éclat, un feu nouveau parut autour de ce premier, pareil à la clarté qui monte à l'horizon. et comme l'on peut voir, à l'heure où la nuit monte, s'allumer lentement des feux nouveaux au ciel, revêtant un aspect à la fois faux et vrai. Je crus apercevoir des substances nouvelles que je distinguais mal et qui formaient un cercle au dehors, tout autour des deux cercles premiers. Ô vrai scintillement de l'esprit sacro-saint, comme il est apparu soudain resplendissant à mes yeux, qui vaincus ne pouvaient le souffrir. Mais Béatrice alors découvrit à mes yeux un sourire si beau, qu'il faut que j'abandonne l'espoir de ranimer un pareil souvenir. Mon regard reprenant un peu plus de vigueur, je pus en faire usage, et je nous vis, moi seul et madame, emportés vers un bonheur plus haut. Je sus qu'en effet nous venions de monter, en voyant le sourire incandescent de l'astre qui semblait rougeoyer plus qu'à son ordinaire. Du fond de ma poitrine, en parlant cette langue qui n'est qu'une pour tous, je fis offrande à Dieu, comme le requérait cette nouvelle grâce. L'ardeur de l'oraison ne s'était pas éteinte tout à fait dans mon cœur, que déjà je savais qu'on avait accueilli mes vœux avec faveur, car je vis des splendeurs qui formaient deux rayons, avec un tel brillant et rougeoyant si fort, que je dis « Hélios, comme tu les habilles !» Comme la galaxie étend d'un pôle à l'autre un fleuve de clarté qui fait douter les sages dans un miroitement de feu plus grand ou moindre, ces rayons constellés de même, composés aux profondeurs de Mars, le signe vénérable que fait la jonction des cadrans dans un cercle. Ici, le souvenir l'emporte sur l'esprit. Sur cette croix brillait d'un tel éclat le Christ que je ne puis trouver un exemple assez digne. Mais qui porte sa croix et marche avec le Christ devra bien m'excuser sur ce que je dois taire lorsqu'il reconnaîtra le blanc éclat du Christ. Du bout d'un bras à l'autre et du sommet aux pieds s'écoulaient des splendeurs qui scintillaient plus fort au point de croisement de leur brève rencontre. C'est ainsi que l'on voit courir, droit ou tordu, leste ou paresseux, plus long ou bien plus court, d'aspect toujours changeant, les grains de la poussière, jouant dans un rayon qui projette un pont d'or, au coin d'ombre que l'homme, en cherchant un abri, dispose par son art et son intelligence. Et comme un violon qui jouerait de concert avec la harpe, laisse entendre un son si doux, même aux plus ignorants du fait de la musique, de même, des clartés qui paraissaient en haut, le long de cette croix, un air se composait, dont j'étais transporté sans en saisir les mots. Sans doute, je voyais que c'était des louanges, car « ressuscite » ainsi que « triomphe » venaient jusqu'à moi, qui pourtant écoutait sans comprendre. Je me sentais ravi par un amour si fort que jusqu'à ce moment, je ne vus nul objet qui m'attacha le cœur par de si douces chaînes. Peut-être ce propos paraîtra téméraire, qui subordonne ainsi l'amour du doux regard au spectacle duquel repose mon désir. mais celui qui comprend que les vives empreintes de toutes les beautés s'augmentent en montant et que depuis tantôt je ne l'avais pas vu, pourra me pardonner ce dont, moi, je m'accuse pour m'excuser tout seul et voir que je dis vrai, car je n'ai pas exclu cette sainte allégresse, puisque plus haut on monte et plus elle s'épure. »